Droit devant nous, sur la chaussée, était planté un brave homme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué, à la barbe grisonnante, tenant d'une main un petit garçon et portant sur l'autre bras un petit être trop faible pour marcher. Il remplissait l'office de bonne et faisait prendre à ses enfants l'air du soir. Tous en guenilles. Ses trois visages étaient extraordinairement sérieux, et ses six yeux contemplaient fixement le café nouveau avec une admiration égale, mais nuancée diversement par l'âge. Les yeux du père disaient « Que c'est beau, que c'est beau. On dirait que tout l'or du pauvre monde est venu se porter sur ses murs. » Les yeux du petit garçon « Que c'est beau, que c'est beau. Mais c'est une maison où peuvent seuls entrer les gens qui ne sont pas comme nous. » Quant aux yeux du plus petit, ils étaient trop fascinés pour exprimer autre chose qu'une joie stupide et profonde. Les chansonniers disent que le plaisir rend l'âme bonne et amollit le cœur. La chanson avait raison ce soir-là, relativement à moi. Non seulement j'étais attendri par cette famille Dieu, mais je me sentais un peu honteux de nos verres et de nos carafes, plus grands que notre soif. Je tournai mes regards vers les vôtres, cher amour, pour y lire ma pensée. Je plongeais dans vos yeux, si beaux et si bizarrement doux, dans vos yeux verts, habités par le caprice et inspirés par la lune, quand vous me dites « Ces gens-là me sont insupportables, avec leurs yeux ouverts, comme des portes cochères. Ne pourriez-vous pas prier le maître du café de les éloigner d'ici ?» Tant il est difficile de s'entendre, mon cher ange, et tant la pensée est incommunicable, même entre gens qui s'aiment.